Mise en œuvre de la clause de dédit formation. Une clause de dédit formation ne permet pas à l'employeur de se faire rembourser les rémunérations maintenues au salarié durant la période de formation. Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue du temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié. Il en résulte pour la Cour de cassation que l'employeur qui, en application d'une clause de dédit formation, demande au salarié le remboursement du coût de la formation, ne peut pas exiger qu'il lui rembourse aussi les rémunérations perçues au cours de cette formation.